Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Duo, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher, ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, contrairement à d'habitude, je ne suis pas seul, j'ai deux invités avec moi, Colin et Vincent. Bonsoir messieurs, il faut que j'allume leur micro. Bon, Colin n'est pas devant son micro... Et Vincent non plus. Bon. Et donc, ils vont vous parler, on va tous vous parler de livres ce soir, les uns après les autres. Moi d'une BD, après on va vous parler de livres, enfin après d'une autre BD. Enfin bon, ce soir c'est un petit peu différent, un petit peu compliqué. Mais c'est parti, c'est maintenant. Je vais commencer, c'est moi qui ouvre le bal ce soir, je vais commencer par vous parler d'une BD, Crocodile Comics, de Matt Conture, qui est sortie il y a maintenant 3 semaines à l'association, dans la collection Mimolette, et pour moi c'est un petit événement. Une fois de plus, je vais revenir vite fait sur la maison d'édition de cette bande dessinée, l'association, parce que pour le coup cette fois c'est important. Comme je vous en ai déjà largement parlé dans cette émission, et à force, je suis en train de m'en mêler. Bref, je vais pas vous parler de l'association, parce que cette fois, c'est important, et je sais que je vous en ai déjà largement parlé dans cette émission, et qu'à force, je vais finir par vous saouler, mais bon. Donc, la maison d'édition, l'association, c'est une fameuse maison d'édition qui a révolutionné le monde de la BD dans les années 90 et qui, au passage, a révolutionné le mien de monde. L'association qui avait fait de son cheval de bataille le fait que les BD sont des livres comme les autres et qui a introduit des styles tels l'autobiographie dans la bande dessinée et qui a quasiment défini les canons du roman graphique tel qu'on l'entend aujourd'hui en France. Bref. Bien sûr, là, je la fais court sur tout ça parce que, en fait, j'en ai déjà parlé plein de fois dans des émissions précédentes. Et en fait, j'en profite pour vous renvoyer aux podcasts de l'émission qui sont disponibles sur le site internet de Radio Duo à la rubrique podcast. En revanche, et ça, je ne l'ai pas encore dit, je crois, l'association, donc, comme son nom l'indique, une association, loi 1901, créée en 1990 par 7 auteurs de BD. David B., Lewis Trondheim, Jean-Christophe Menu, Stanislas, Moquette, Kilofer et le fameux Matt Conture dont je vous parle ce soir. Tous ces auteurs qui sont tous devenus plus ou moins connus aujourd'hui, enfin de nos jours, mais qui à l'époque de la création de l'association étaient pour la plupart issus de l'underground de BD français. Depuis maintenant 28 ans que l'asso existe, les auteurs qui l'ont créé ont largement évolué, et la maison d'édition aussi. Les plus connus aujourd'hui donc, se sont largement éloignés de la BD underground, je parle là de Lewis Trondheim et David B. Et d'ailleurs aussi, l'association, la maison d'édition, a traversé une tempête qui a mené au départ de Jean-Christophe Menu, qui était un peu le théoricien de la bande. Et puis surtout, l'esthétique de l'asso a été largement récupérée par les maisons d'édition classiques et elle a eu plein d'enfants plus ou moins réussis, les éditions ça et là, l'employé du mois ou par exemple 6 pieds sous terre. Reste que l'association existe encore, elle est moins à la pointe qu'avant, mais elle est toujours là. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'elle est devenue parce que le plus important, c'est qu'il reste encore Matt Conture. Et Matt Conture, c'est un peu le... comme Einstürzende, le fameux groupe industriel allemand, pour ceux qui ne connaissent pas, Einstürzende, excusez-moi pour l'accent, ce sont les Lord of the Underground, enfin c'est ce qu'ils avaient dit lors d'un concert à Lyon, et ben Matt Conture, c'est le prince de l'Underground BD. Auteur assez peu prolixe, il sort plus souvent des pages dans des fanzines ou des affiches de concert que des BD cartonnées. Il collabore aussi avec des structures comme Le Dernier Cri à Marseille, qui sont quand même assez pointues. Toute chose que les autres fondateurs de l'association n'ont jamais fait ou ne font plus à ma connaissance. En fait, Matt Conture, c'est la caution éthique et souterraine de l'association à tout jamais. Je vais essayer de vous le présenter un peu plus précisément pour ceux qui ne le connaissent pas. Matt Conture, enfin pour moi en tout cas, c'est avant tout un dessin. Le dessin, ça va être un peu nul de dire très personnel, mais c'est avant tout son dessin. J'aurais un peu de mal à le décrire parce que c'est difficile de décrire un dessin en radio. Bon, mais il dessine en noir et blanc, il est proche d'une espèce d'art brut, et puis surtout, en fait, il y a plein de hachures. Bon, alors si je parle de ces fameuses hachures, c'est parce que c'est lui qui en parle régulièrement dans ses BD. Apparemment, depuis qu'il a commencé, pas mal de personnes l'ont comparé à Robert Crumb, qui hachure lui aussi pas mal ses dessins. Et d'ailleurs, toutes ces personnes qui en ont déduit que Robert Crumb, c'était une influence importante de Matt Conture, alors que lui, il situe plutôt ses influences autour de Moebius ou de Mass, pour ceux à qui ça parle. Bref, tout ça devrait vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble, un dessin de Matt Conture, si vous ne connaissez pas. Les deux autres éléments qui caractérisent les BD de Matt Conture, ce sont l'improvisation et l'autobiographie. Matt Conture aime apparemment beaucoup partir en freestyle improvisé au niveau du scénario, si bien que pas mal de ses BD peuvent être un peu sans queue ni tête. On sent bien que l'histoire avance au fil du dessin, et vice versa d'ailleurs. Personnellement, c'est pas le truc qui me parle le plus dans ses BD. L'autobiographie en revanche, ça me parle beaucoup plus. Matt Conture sort très peu de BD. Comme il le dit, il faut qu'il ait quelque chose à raconter, sinon ça sert à rien de gaspiller tout ce papier et d'abîmer la planète. J'insiste, c'est lui qui le dit, pas moi. Donc il faut qu'il ressente le besoin impérieux de faire une BD, sinon ça vaut pas le coup. La dernière en date, qui est sortie donc il y a 2 semaines, le Crocodile Comics 4, s'inscrit dans une suite de livres qui ont commencé à apparaître en 1993 dans un fanzine, et il y raconte les événements importants de sa vie. En tout cas suffisamment important pour lui pour qu'il en fasse un livre. Donc sa séparation avec la mère de sa fille, ses errements dépressifs en plein Montpellier, ses doutes quant à la pertinence de ses créations, et puis depuis 3 livres en fait, son quotidien avec sa sclérose en plaques qu'il a découverte il y a maintenant plus de 10 ans. En fait, Matt Conture se livre, en général, avec une honnêteté et une sincérité extraordinaires, conjuguées à une personnalité graphique hyper forte. Et ça donne parmi les BD les plus touchantes qu'il m'était donné de lire. Chaque BD donc traite d'un sujet assez fort, donc la séparation, la dépression, la sclérose en plaques, etc., la maladie. Mais aucune de ces BD ne cède jamais au voyeurisme, au misérabilisme et à n'importe quel autre mot en isme. Toujours sur le fil, toujours juste et toujours presque parfait. Une fois que tout ceci est dit, reste donc à vous parler du dernier tome, le dernier tome qui est paru là. Bon, je vous avoue que c'est pas mon préféré, même si je suis toujours content de retrouver Matt Conture en BD, d'autant que là, ça fait presque 5 ans qu'il n'avait pas parlé de lui. Donc, bêtement, j'ai été content de le retrouver. Son dessin, sa poésie, parce que j'en ai pas parlé, mais je trouve que c'est un auteur très poétique. Les noms de ses personnages sont vraiment de toute beauté, genre Barjouflasque, Mister Fourreau et autres galopus. Sauf que dans ce tome, donc, que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau graphique, Matt Conture part énormément en impro. Un jour, il commence une page, et il commence une case, et puis 2 semaines plus tard, il continue en une deuxième case, et puis il le dit en fait dans la page, il dit pendant 2 semaines j'ai laissé ma page, donc je me souviens plus ce que j'avais à dire, et puis en fait il part comme ça dans des considérations, ensuite il part dans des improvisations graphiques qui sont toujours réussies, mais qui sont, moi je trouve, un peu moins pertinentes. Et il reste quand même que ce dernier volume complète cette œuvre au long cours qu'est l'autobiographie de Matt Conture avec, et là encore je vais me répéter, sa sincérité, sa constance, sa puissance graphique. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on est en train, enfin qu'il est en train de construire une des œuvres les plus importantes de la BD française contemporaine. En fait, plutôt que de lire ce dernier tome isolément des autres, je vous encourage à faire comme moi pour la préparation de cette émission, c'est-à-dire lire, ou relire, hein, pour ceux qui l'ont déjà vu, l'intégrale des Crocodile Comics, de l'autopsie, d'un mort-vivant, de rajouter à ça la Comics Turjointe, qui est une autre BD qu'il a sortie, qui s'inscrit dans la veine de tout ça, et de lire aussi Galopus sauve la Terre, et normalement, votre vision de la BD en ressortira un peu changée, et vous aurez surtout découvert Matt Conture. Pour les autres, si vous relisez, vous savez de quoi je parle. J'ai fini pour moi. Je voulais finir justement en précisant, en vous indiquant plutôt, que Matt Conture, c'est aussi le chanteur d'un groupe qui s'appelle Courge, et que ben pour le coup, ça va être le premier extrait, la première pause de notre émission de ce soir. Courge avec A75. Donc, deuxième temps de notre émission, nous recevons Vincent, qui va nous parler d'une autre BD qui s'appelle Beverly. Beverly. Donc bonsoir Vincent. Hein. Bonsoir Axel. Voilà. Je vais te laisser les clés. Ouais. Et puis c'est bon, à toi de nous parler de Beverly. Allez. Alors, amis auditrices, auditeurs, bonsoir. L'auteur âgé de 29 ans dont je vais vous parler ce soir mérite la plus grande attention de votre part. Ne comptez pas sur moi pour prononcer son nom correctement. Nick Drnaso, ou D-R-N-A-S-O, ou je ne sais pas, je ne vais pas écorcher plus longtemps son nom le temps de cette chronique. Donc Nick, et non pas Crow, est l'auteur d'une petite merveille qui s'appelle Beverly. L'ouvrage est sorti en fin 2017 en France. Il est distribué par une jeune maison d'édition, Presque Lune. À la base, il a été édité par l'éditeur canadien Drone and Quarterly en 2016. Cette BD a été sacré meilleur livre de l'année 2017 par le Los Angeles Times. Le prix de cet ouvrage, annonçons-le, est de 22 euros. Un prix pas si excessif au vu du soin apporté par l'éditeur français en ce qui concerne le façonnage. Et puis quand même, nous avons 136 pages à lire. Bel objet que j'ai dans les mains, mais que je n'offrirai pas à n'importe qui. Eh oui, n'offrez pas Beverly à un proche sur le point d'en finir avec la vie. N'offrez pas non plus Beverly à une personne sur le point de partir aux États-Unis. Cette personne risque d'avoir quelques a priori négatifs sur ce si joli pays où il fait si bon vivre. N'offrez pas non plus Beverly à votre neveu ou à votre nièce qui vient de rentrer dans l'adolescence et qui souhaiterait découvrir l'amour. Non, la seule personne à qui il faut offrir Beverly, c'est à vous-même. Moi, je me suis offert Beverly pour plein de raisons. Bon, commençons par le commencement. C'est à la bibliothèque de Carnot, à Saint-Étienne, que j'ai découvert ce livre avant de l'acheter. C'est une amie bibliothécaire qui me l'avait réservé. Quand j'ai vu la couverture et que j'ai ouvert les pages, j'ai quelque peu été refroidi. Comment vous décrire le style de Nick ? Comme le dit un certain Marius Chapuis, un mec de Libé, ça ressemble à une brochure de sécurité que l'on trouve au dos des sièges d'avion. Nous sommes dans une ligne claire. L'ancrage des personnages et des décors semble avoir été fait avec un logiciel vectoriel. Ou peut-être un rotring. Les couleurs sont des aplats. C'est étonnant, mais ça me fait penser un petit peu au style de Timothée Le Boucher, un auteur dont j'ai parlé lors de ma dernière intervention. Bon, enfin, on peut toujours le réécouter en podcast sur radioaudio.org. Revenons à ce style épuré, complètement à l'opposé de Matt Contour dont Axel nous parlait précédemment. Un style qui installe une ambiance toute particulière à rapprocher d'auteurs comme Adrian Tomine ou Daniel Clowes ou encore Chris Ware. Chris Ware qui tient des propos élogieux sur Beverly. Il est pour lui le roman graphique le plus abouti et le plus élaboré qui lui ait été donné de lire depuis plusieurs années. Je tourne les pages de cet album et tout doucement, en lisant, je comprends. Je comprends que Nick, avec son style froid, m'assène sa petite morale sans état d'âme. Il me bouscule. Je ne ressens pas d'empathie avec ces personnages. Je ne les envie pas. Leur vie, sans vouloir être méprisant, m'apparaît comme ennuyeuse. Certains me font carrément flipper. Nick, dans son troisième chapitre, se permet même de m'incruster des cases d'une extrême violence, que je qualifierais de subliminale. Il me démontre, avec une force incroyable, comment il est possible, en BD, de dissocier le texte et l'image tout en gardant une cohérence narrative totale. En 6 histoires, Nick me rappelle que derrière un sourire peut se cacher la bêtise, la lâcheté, la peur, le racisme, la violence. Nick dissèque avec une grande maîtrise la middle class américaine. Nick me fascine par sa mise en scène. Il me transporte avec des planches où je vois des autoroutes avec des perspectives simples, comprenant un seul point de fuite, des vues frontales de paysages urbains, renforçant un sentiment oppressant. L'auteur sait ménager ses effets et nous laisse partager le silence. Il me laisse partager aussi la gêne de certains de ses personnages. Exemple, dans le chapitre 2, avec une maman, fan de séries télévisées, qui se rend compte devant sa fille qu'elle a été manipulée et est considérée comme une simple consommatrice. Avec ce petit drame, Nick me montre le vide existentiel de cette femme. Si je devais rapprocher Nick de certains réalisateurs de cinéma, immanquablement je citerais David Lynch ou Gus Van Sant. Je pense aussi à un film que j'ai vu récemment, Three Billboards, Les panneaux de la vengeance, un film réalisé par Martin McDonagh. On peut citer aussi Fargo des frères Cohen. C'est la même actrice, Frances Louise McDormand, qui joue le rôle principal dans les deux films. Coïncidence, Frances Louise McDormand est née elle aussi comme Nick dans l'Illinois à Chicago. Nick lui est né à Palos Hill, c'est au sud-ouest de Chicago. J'invite à ce propos les amis auditeurs, auditrices à taper Palos Hill et faire un petit tour sur Google Maps. Cela aide beaucoup pour comprendre où l'auteur a pu puiser son inspiration. Je ne vais pas vous raconter les six histoires. Ce que je vous propose, c'est de vous lire quelques extraits de dialogue avec la BD que je n'ai pas sur... que je n'ai pas devant moi. Et c'est bien dommage. En même temps, on me dit qu'il va falloir que je rende l'antenne très rapidement. Le mieux, c'est que j'en arrive à la conclusion. Je vais fermer donc ce livre que je n'ai pas devant moi, en espérant que je ne vous ai pas trop plombé la soirée. Nick, si je n'ai qu'un mot à te dire, c'est merci. Merci. Tu m'as aidé avec ton livre à être beaucoup plus lucide. J'espère simplement ne pas attendre trop longtemps avant de voir une nouvelle œuvre de ta part. Eh oui, Nick a quand même mis 4 ans pour sortir ce roman graphique. Voilà, c'est fini. Ah, j'aurais bien aimé vous lire quand même quelques extraits. Mais bon, tant pis. Je laisse l'antenne et je vous dis à une prochaine. Merci Vincent. Donc je vous rappelle que la BD de Vincent... que Vincent nous conseille de lire, ça s'appelle Beverly et c'est de Nick Ndrasso. comment on a dit ? Ndrasso. D'accord. Alors Drnaso. Voilà. Désolé. On enchaîne avec une deuxième petite pause avec Dirty Dentist. c'était Dirty Dentist qui, en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai passé ce morceau ce soir. C'est parce qu'en fait, Dirty Dentist vont passer, vont faire un concert à Saint-Étienne ce dimanche. Et il se trouve que le bassiste de Dirty Dentist a écrit un livre et que j'ai justement avec nous, donc il y a Vincent et puis il y a Moller qui fait partie de l'organisation qui est venu pour nous en parler un petit peu de ce livre parce qu'en plus, avant le concert, il y aura une conférence avec cet auteur. Donc l'occasion fait le larron. On en reparlera bien sûr dans la foulée. Mais je vais laisser un peu les clés de la maison et puis on va discuter un petit peu autour de ce livre avec Moller. À toi. Merci pour les clés de la maison, même si souvent on a plutôt utilisé un pied de biche, mais une fois la serrure changée, ça fait plaisir d'avoir les clés. Alors donc, je vais commencer par expliquer donc ce livre qui s'appelle « Chaos et construction » a été écrit par un des musiciens de Dirty Dentist qui signe « Schizophrénie volontaire ». C'est ce qu'il appelle un essai intriqué dans un roman. Donc, je vais commencer par vous raconter l'histoire. Ça commence par un narrateur. Le narrateur fuit de son collectif. Il part en camion. Une dérive sans vraiment une destination consciente. Il se balade, une ville, des routes, un groupe en panne, il arrive dans un squat, des discussions. Pendant ce temps, dans un refuge pour sociopathes, des gens se préparent à l'accueillir et se demandent qu'est-ce qu'il a bien pu foutre pour que ça se passe mal à la clairière et qu'il soit une fois de plus sur les routes. Ok, donc ça c'est le pitch. Donc c'est le titre du roman. Ouais. Maintenant, la discussion. Vu qu'il y a très peu d'exemplaires du roman contournés, la discussion, elle va porter essentiellement sur qu'est-ce que la norme. On parle, là c'est essentiellement autour de la norme psychiatrique, de la folie, vu qu'ici une schizophrénie volontaire. On a tous chacun des voix qui parlent en nous, des voix différentes. Ça peut devenir pathologique, ça peut devenir une souffrance, ça peut être aussi une manière de gérer sa vie, de se scinder soi-même entre plusieurs personnalités. Et ça fait beaucoup référence à un auteur qui s'appelle Georges Grodek. Donc tout à l'heure, j'en lirai un peu plus sur Georges Grodek. Mais donc là, la discussion va tourner autour qu'on est dans un monde de normes qui vont, alors depuis les murs de l'enfermement psychiatrique, cet enfer, depuis la folie qui nous enferme dans un enfer vivant, mais la norme aussi qui fait nous des citoyens modèles, des normopathes, le fait que lutter contre ce monde, c'est considéré comme anormal. Et donc, quelle ligne d'équilibre trouver entre tout ça? Et cette discussion, on aimerait bien que tout le monde se sente libre de venir, c'est-à-dire des gens qui ont été psychiatrisés, qui ont eu des proches psychiatrisés, des gens qui sont dans le milieu du soin aussi, ou qui l'ont été, vu que c'est un milieu que beaucoup de gens quittent par dégoût des méthodes employées, notamment, ou n'importe qui se sent considéré par la norme, parce qu'on peut aussi parler de... Donc de normes sociales, mais aussi de normes hétéro-patriarcales, de normes du travail, je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres idées de normes, de normalité, les garçons? Voilà, non, je bois tes paroles, pour le coup. Donc ça, vous allez en parler à ce moment-là. Voilà, faut un que... peu... Oh. En prenant comme base un peu le... Enfin, on verra, vous allez peut-être parler du livre. C'est vrai qu'il y a un peu un écho avec la... Enfin, je sais pas, la musique de Dirty Dentist aussi, qui peut être... Alors oui, la musique est effectivement... Donc on a marqué Free Punk, donc Goblins, en fait c'est le groupe qui faisait les musiques de films d'horreur dans les années 70. Ouais. C'est-à-dire que c'est une musique qui part du free jazz appliqué au punk, mais qui devient extrêmement structurée. Donc est-ce que ça pourrait... Ben voilà, justement, est-ce qu'on partirait pas d'une base de folie qu'on essaie de structurer pour en faire nos vies? Est-ce qu'on peut pas élargir ça d'une manière existentielle? Ah. Donc tout donc. Sera, enfin c'est de ça que vous avez, enfin que vous, parce que moi je pourrais pas y être malheureusement, mais qui va être discuté à ce moment-là quoi. Voilà. Donc. Et vraiment c'est selon les envies de chacun. Il faut pas hésiter à venir avec son idée, ses propositions. C'est les normes qui nous, celles qui nous font peur parce qu'on ne veut pas s'y conformer, mais celles aussi dont on a peur de sortir parce qu'elles nous maintiennent en état de fonctionnement. Je pense qu'on va peut-être passer à un morceau. Ouais, on va enchaîner. Qui, t'avais trouvé. Qui parle. De tout ça à peu près. Voilà. Donc, une chanteuse que j'aime beaucoup, un de ses très vieux morceaux. On aime et tous. Juste avant, je vais vous lire un petit texte qui parle de Georges Grodek, qui est donc un médecin qui. En même temps que Freud a découvert le concept d'inconscient, qu'il appelait le « ça », terme que Freud lui a repris, lui, il est passé par la maladie physique. Et donc, un court extrait du livre qui parle de Georges Grodek. Il raillait la spéculation immobilière, fustigeait le pouvoir de la famille et de l'État, outrageait le monothéisme, a dû fuir l'Allemagne nazie et voulait donner une corde à cette vieille Europe pour qu'enfin elle se pende. Il ne concevait pas un progrès politique et social qui ne soit un retour à la nature et à l'érotisme. L'idée de l'abolition de la prostitution outrepasse les limites du ridicule. Les lois contre l'homosexualité sont les plus absurdes de tous les temps. Les mères devraient apprendre à leurs enfants à faire l'amour, correctement. Son premier journal s'appelait « Satanorium ». Bateau, mène-moi à Valparaiso. J'en ai assez du parc Monceau, de ces bassins, de ces jets d'eau, de ces enfants exaspérés, traînés dans la suie de l'été. Et se noyer pour se noyer, la mer serait moins étriquée. Oh ma folie, mon beau flacon, donne-moi d'étranges poisons. J'en ai assez du postillon, et des litrons, et des graillons, et des serveuses de café qui attendent d'être mangées. Et s'assommer pour s'assommer, il vaut mieux être foudroyé. Oh ma folie, ma belle fièvre, mène-moi sur d'affreuses grèves. J'en ai assez d'air de sève, où les vieillards doucement crèvent dans l'indifférence et l'ennui, comme si ça n'était pas leur vie. Et se flinguer pour se flinguer, j'aime mieux les pestiférer. Recouvre-moi de fleurs de fer, de l'atelier de Lucifer. J'en ai assez des infirmières, de cette fondation Curie qui est le monde d'aujourd'hui. Et être cuit pour être cuit, il vaut mieux que ce soit joli. C'était donc Brigitte Fontaine avec Le Beau Cancer. Donc retour dans les studios de Radio Audio dans Qui ou Quoi pour une émission un petit peu n'importe quoi et en même temps pas que. Donc alors voilà. Molaire, donc tu voulais compléter un peu ta présentation du livre. et de la prochaine soirée. Oui, alors je devais préparer cette émission et je vais commencer par parler de tout ce dont quoi j'aurais pu parler si j'avais eu du temps, si j'avais eu envie d'être un peu plus doctrinaire. Donc j'aurais pu trouver des extraits de Foucault, de La folie à l'âge classique. Foucault qui nous aurait amené après à la norme hétéro, qui aurait pu nous amener au front homosexuel d'action révolutionnaire, au féminisme radical qui a mis en jeu aussi toutes les normes imposées aux femmes comme aux hommes. J'aurais pu sortir des témoignages sur l'enfer psychiatrique qui a donné donc le mouvement de l'anti-psychiatrie. Et un mouvement donc, des années 70, dans la foulée de toutes les luttes de ces années-là. Mais en fait, peut-être que j'avais plus de connexion Internet, peut-être que j'avais plus le temps, peut-être que j'ai trouvé ça juste emmerdant. Du coup, je vais plutôt vous parler de ma vie, parce que c'est un peu la seule manière que j'ai d'échanger. Alors voilà, bon, là on est à Radio Duo. J'aimerais bien avoir le numéro de téléphone s'il y a des gens qui écoutent et qui ont envie d'appeler. Je ne l'ai pas sous les yeux. Est-ce que tu peux me le... Je ne le connais pas. Puis en plus, je t'avoue que je ne sais pas faire au niveau technique. Bon, on aurait pu... Donc, c'est-à-dire que je monologue chez Radio Duo, qui est donc dans une pièce, qui est une boîte, reliée à d'autres boîtes, dans un immeuble qui est une boîte, un quartier de boîte. Vous êtes chez vous, vous êtes donc dans des boîtes, vous écoutez une radio qui est sûrement une boîte, on est relié par des ondes radio qui donc ne sont pas des boîtes, qui traversent l'éther, comme on dit. Et de boîte à boîte, je suis là et je vais donc parler... Alors j'aurais pu raconter une anecdote précise, mais en fait j'en ai tellement du même genre que je vais faire une synthèse. Par exemple, on a un ami, une amie, qui va de plus en plus mal. Cette personne a peut-être toujours été plus ou moins mal de son enfance. Il y a aussi les accidents de vie. Et elle sombre dans un mal-être qui fait de la peine à voir. Et on essaie de l'aider avec toute la chaleur dont on peut faire preuve, avec toute la compréhension. Et au bout d'un moment, s'installe peut-être une complaisance dans notre rôle de personne très tolérante, qui accepte beaucoup. De la part de cette personne, eh bien, une tolérance de « je suis fou, je suis folle, donc je peux me permettre beaucoup de choses qui sont normalement interdites. » Et il y a un moment... où on ne peut plus aider cette personne, en fait, on lui fait du mal. Et même, cette personne nous fait du mal. Et à quel moment est-ce qu'on arrive à diriger cette personne vers une structure qui serait adaptée, ou à laisser les choses se dégrader jusqu'à ce que la personne échoue dans ce que j'appelle donc l'enfer psychiatrique depuis tout à l'heure? Et est-ce qu'il y a déjà de tels lieux? Il y en a, c'est sûr. Donc je parlais d'antipsychiatrie. Moi j'ai connu, avec deux groupes dans lesquels j'ai joué, l'hôpital de Trieste, qui est le premier hôpital psychiatrique en Italie à être passé à l'antipsychiatrie. Donc c'est un immense endroit où les soignants et les soignés organisaient des ateliers. Il y avait... de l'art, mais aussi bien du sport, des cantines, des gens qui organisaient des concerts, des radios. Et il fallait gérer soi-même la violence, les situations. Il y a aussi un endroit qui s'appelle la Devinière, en Belgique, où on a fait un collectif. On est resté là-bas une semaine, où tout était fait pour que ça ne ressemble pas à un hôpital, que ce soit coloré, que les menus soient variés. Il y avait une vie collective. Les infirmiers faisaient des permanences de 2 jours. On était autour du feu. Des fois, on ne savait même pas qui réellement était professionnel ou soigné. Il y a beaucoup d'endroits qui existent comme ça. Il y a la Borde en France, dont d'autres personnes pourraient mieux parler. Moi, je ne me sens pas qualifié. Et je pense, pour conclure peut-être, que pourrait développer ce... L'idée, c'est que Georges Grodek, mais aussi Ronald Deleng, plein de gens, veulent sortir l'analyste, le soignant, de son rôle tout puissant. De notre part, de la part d'amis, ça peut devenir très dangereux. Parce que, en tant qu'ami, on n'est pas forcément les plus à même, ce qu'on appellerait une analyse sauvage. C'est dangereux, ça peut être une opportunité. D'un autre côté, il y a donc l'école du comportementalisme, qui est l'école américaine de psychiatrie, qui vise à faire fonctionner l'individu en société, mais alors d'une manière complètement normée à la états-unienne des années 50. Mais un mélange des deux, faire aider les individus à fonctionner de manière certainement pas normée, ce serait peut-être ce qui s'appelle de la santé communautaire, qui est donc, comme toutes les tentatives d'autonomisation, est à créer, se crée, évolue en permanence au gré des désirs. Et on va passer maintenant à un morceau qui parle, ou peut-être voulais-tu ajouter un commentaire ? Non, non, on va passer un dernier morceau et puis après on rappellera les, oui, la, les dates, le concert, la soirée, la conférence pour dimanche. Puis après, d'accord, ce sera fini. Après, on a Radio Duo, on a comme à la Radio Duo, l'émission qui est juste après. On a bien dépassé pour l'instant, mais on fait ça. Donc c'est un morceau de La Peau et les Os. Je mets quel titre ? Il me semble que c'est Seul à nouveau qui est calé. Ok. Chez moi, en dehors de moi, il y a les autres. Et même si parfois j'aimerais sortir de moi, l'ouverture n'est jamais facile dans ces emballages plastiques. Tamponner sur notre front une date de péremption. Pour pas finir à la poubelle, on se bat pour la tête des rayons. Que des vendus dans cette compétition. Y'a plus d'amis quand on parle de pognon. Tous et toutes des cons conditionnés. Donc on est de retour dans Qui ou quoi avec Moller et Vincent. Donc on va rappeler Moller, donc la soirée, donc, le concert que vous organisez et la conférence. Donc tout ça c'est... Je me permets de reprendre sur le thème conférence, c'est-à-dire que l'auteur va lire quelques extraits de son livre, mais il est beaucoup plus intéressé par la discussion, oui, l'échange, parce que bon, des extraits, donc, c'est une longue nouvelle ou un court roman. Ouais. Mais donc, 18h au Bilboquet, donc c'est bien d'être là à l'heure. Lecture, discussion, et le concert sera vers 8h30, juste en face à l'entrepôt. Ok. Un seul groupe. Tout ça, c'est à prix libre. Donc, sachant que il s'agit juste d'effrayer le groupe qui retourne en Belgique pour enregistrer leur premier album. Ouais. Et voilà, il s'agit d'un prix libre. Il y a beaucoup d'événements à Saint-Étienne ces temps-ci. Ouais. 5 euros, 3 euros, 5 euros, 5 euros. C'est dit un prix libre, eh ben, selon les moyens, et on essaiera de leur payer leur essence. C'est surtout une bonne soirée pleine d'échanges, aussi de légèreté. Hein. J'étais glauque, là, les amis. Dites-moi. Bien. Eh ben, en tout cas, merci à vous deux d'être venus dans Qui ou quoi. L'émission donc, où on parle de livres sur Radio Duo. Une semaine sur deux, donc merci Vincent, merci Moller, et je crois que Vincent. Mais ah non, mais finalement j'ai retrouvé la BD, incroyable quoi. Non mais je crois que c'est mort là. Je vous en lise un extrait, non? Folie. Allez vas-y. Allez folie quoi. Allez. On peut. Folie. Je vous lis juste un extrait de la BD parce que quand même. Alors c'est sale, c'est un petit gros à casquette, il discute avec Tim, ils sont en train de ramasser des ordures sur une nationale. Sale, il dit à Tim, Richard et les autres m'ont un peu mis à l'écart du reste de l'équipe. Je pense que c'est parce que les autres employés ne m'arrivent pas à la cheville. J'ai essayé sans relâche de communiquer mon efficacité à mes collègues, mais mes efforts sont constamment ignorés. Les gens m'évitent parce que je leur fais de l'ombre. Voilà, c'était un court extrait, chapitre 1. Merci. Donc, merci.